sur 10. Quand une plaine se transforme en plainte, l'eau qui saigne coule vers l'absinthe, qui s'y baigne, s'y peinte. Absurde le voyage en absurdie, quand les fous te prescrivent des parcours de cailloux d'où personne n'arrive. Je t'écris.